Pour pas se brûler, tu on voulait se mettre le saut. Et pas sur le dos, tu l'es. Même les escarpés, ouais. Acabado, trompa, ya se me vivió, no va. Comiera, y no va, y va, y va, y va, y va, y va, y va, y va, y va, y va, y va, y va, y va. Ooh.